Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées saines. PDG du groupe d'assaut. Extrêmement dangereux. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées saines. Extrêmement dangereux. Le gratuit, on n'achète pas des idées saines. Le gratuit, on n'achète pas. Halte là. Il n'y a pas d'acquis sociaux. Des idées saines. So, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur maire UMP de Corbeil-Essonne, PDG du groupe d'assaut. Cette année, vous avez pris le contrôle de la Surpresse sur le groupe 70 titres. Extrêmement dangereux. C'est les jeunes, comme d'ailleurs on dit tout à l'heure, que bon, ils veulent un journal où il y a des informations. Et arrêtez de rêver. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Message d'assaut, vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pas de la désinformation. Vous savez. Pourquoi actuellement on diffuse de la désinformation? Vous savez, il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Et arrêtez de rêver. On y va tout droit. Faut pas travailler. Il faut gagner beaucoup d'argent, faut partir en vacances. Bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fabrique plus de produits qui se vendent, ils sont trop chers. Mais vous prenez des vacances, vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas d'acquis sociaux. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire qu'il ne faut pas travailler, on est dans l'erreur. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. Aujourd'hui, la France va mal, extrêmement dangereux. Arrêtez de rêver. Alors, ce que je dis, je n'ai pas saine, c'est de dire, bon, tout va bien, faut pas changer, les acquis sociaux, les 35 heures, gna. Et en ce moment, on est en train de glisser. Alors, carrément. Ça veut dire que dans vos journaux, on n'a plus le droit de parler des 35 non, heures, des propositions de la gauche. C'est pas le droit. Il y a un débat en France. Non, c'est pas. Nous vivons dans la fiction. Il n'y a pas d'acquis sociaux. C'est le débat démocratique. Si la presse n'en rend pas compte, alors c'est plus la démocratie. On va devenir un pays sous-développé, mais extrêmement dangereux. Et arrêtez de rêver. Si le pouvoir politique ne donne pas à l'économie, ne donne pas à ceux qui travaillent, les moyens de travailler, les moyens de produire, les moyens de créer des bons produits, le moyen de les vendre, eh bien la France va tout droit à un chômage généralisé. Il faut le savoir. Moi, c'est ça que j'appelle la réalité et pas la fiction, parce que c'est la vérité. PDG du groupe d'assaut extrêmement dangereux. Ça, c'est la vérité. Faut supprimer les syndicats. Les syndicats français n'ont pas construit. Il n'y a pas la question. Il ne faut pas travailler. Il ne faut pas licencier. Ça, c'est la vérité. Et quoi, l'économie? Bon, c'est avoir des emplois. Bien payer les gens quand on le peut. Et arrêter de rêver. Et faire travailler. Extrêmement dangereux. Il y a quelque chose qui n'ont pas travaillé. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. Je me dis, c'était quoi? Mais c'est stupide, ça. Mais déjà, il trompe le tasseau. Franchement, c'est pas sérieux. On vit dans un monde réel et vous vivez dans la fiction. Vous avez tort, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas d'acquis sociaux.